belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, vous êtes bienvenus dans La Belle Découverte, puisque ce soir on vous parle de Chill Bump. Et c'est un nouvel album qui s'appelle Ego Trip, qui est sorti sur le label MPC Prod. Alors MPC, on en a déjà parlé dans un dernier épisode, hein. La MPC, c'est simplement ce qui permet de faire de l'électro. Et de manière générale, ça tombe bien puisqu'on parle d'un groupe de rap qui parle d'électro. Et c'est encore Elian qui nous en parle le mieux. Alors oui, effectivement, je vous ai préparé une petite biographie. Chill Bump est un duo, plus précisément, qui s'est formé en 2011 à Tours, qui est composé à la fois d'un DJ producteur, Bancal, qui est donc plus tourné vers les platines, vers le scratch, et d'un rappeur, Miscellaneous. Miscellaneous, est-ce que tu sais par hasard ce que ça veut dire ? J'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire, non. Alors Miscellaneous, en fait, ça vient du latin, c'est traduit en français par miscellané, et ça veut dire constitué d'une variété de parties ou d'ingrédients. Et ça aide à un petit peu mieux comprendre le projet de Chill Bump, constitué d'une multitude d'ingrédients, ce qui montre que le rap de Chill Bump est un petit peu éclectique et qui se veut mélanger un petit peu toutes les influences musicales. Alors, Miscellaneous, en fait, il a été éduqué dans la plus pure tradition anglaise, puisqu'il a vécu la plupart de son enfance en Angleterre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des chansons de Chill Bump sont faites en anglais, et dans un très très bon anglais d'ailleurs. Oui, c'est ça qui change un petit peu avec le reste des groupes français qui chantent en anglais. Oui, on a presque l'impression que c'est un groupe anglais en fait. Et je ne cite personne en particulier, mais c'est vrai que quand on est anglais et qu'on chante en anglais, ça change. Ça fait la différence avec un groupe français qui chante en anglais et qui aurait un petit peu peur, tu vois, de donner un véritable sens à ces textes. Ah bah on les repère tout de suite, les groupes français qui chantent en anglais. Hein. Bah ouais, je sais bien. Mais dans le cas de Chill Bump, c'est un petit peu différent, parce qu'on sent vraiment que c'est une volonté de mélanger deux mondes, le monde anglophone et le monde francophone, et ça se sent très bien, on a un petit peu une French touch anglophone. For you, the day is for singing. For me, the phones are ringing. Till light is gone tonight. Hello, hello for tomorrow. Life brings me down in dreams of sound, sound, sound. Yeah, we've been around for ages. We've been through different styles and phrases. Been around the little sounds and phrases. Been ripping out some pages. Been to distant towns and cities. From different crowds on stages. Saving pennies for a quicker without lousy wages. The way we live this town from rages. Cause who really doesn't? Makes music stays futureless. Fuck it, we got no food in the stomach. But good to care about the fools at the summit. Do this for my MySpace. Friends, the folks that hope that we might change. Trends, we young annoyed. We only young and bored. We just wanna rock the show and hope that everyone enjoy. The mic's a punish void away from my lips. So drop the beat so I can bust my shit. I'ma spit it out, run them to the top. Whether the crowd wanna get up, get out. Follow me or not. Sweet day, you're gonna keep singing. Each night, the pain's so mellow. I come in dark for shadows. Hello, hello for tomorrow. For you, the day is for singing. For me, the phones are ringing. Till light is gone tonight. Hello, hello for tomorrow. Life brings me down in dreams of. Said if you're trying to lead a better life, dog, what a fella gotta do to get a tight jaw? Beg in order to get a bit of cheddar like Bob. Scheme on whoever's bit of bread I might rob. Get it right, I use my little head and fight hard. Hell is always round the corner where the weather's like fog. I don't wanna study, be a clever white slum. I wanna write songs, life won't spare the right card. Where the mic, y'all, cause my pen is solid. I make many songs with the money in my petty wallet. Made an album, plenty love it and plenty want it. But I don't know anyone that's ready to spend the damn penny on it. Go with alcohol with holding pressure. Homies tell me, hold my hand up, I can barely hold together. Holding my hands out for scraps like your local beggar. I'm broke, I'm fed up, and my shitty goes, I'm pretty hopeless. Fella, family like to make me feel like a failure. I believe in what I do, fuck you and what they tell ya. Lonely with a walkman on, walking around, talking to myself, feeling lost in the sound, cause life brings me down in dreams of sound. D'ailleurs, il faut savoir que Chill Bump, c'est un groupe. Ces deux personnes se sont rencontrées au collège. Je ne sais pas si tu le savais. Mais tout à fait, ils se sont rencontrés au collège et ils ont fait leur petit bonhomme de chemin de fil en aiguille. Et au fil de leur production, ils ont attiré l'attention de Wax Taylor et de C2C, dont ils ont déjà fait les premières parties. Alors, Wax Taylor et C2C, on en a déjà parlé dans la belle découverte. C'est vraiment des gens qui sont déjà reconnus dans le milieu et faire leurs premières parties, ça commence à être assez efficace. C'est tout de suite la classe parce que quand on prend Wax Taylor, c'est vraiment l'un des beatmakers, l'un des créateurs les plus reconnus en France. C2C, ils ont eu le droit à une médiation qui franchement l'aurait complètement mérité. Donc c'est tout de suite le haut de l'affiche. Des gars comme Chill Bump qui ont un sacré flow méritent vraiment de pouvoir partager l'affiche avec des beatmakers comme ça. Puisque quand on regarde séparément les deux protagonistes du groupe, à savoir Miscellaneous et Bancal, ils sont vraiment très proches de Wax Taylor et de C2C. Par exemple, Miscellaneous est vraiment plus un petit peu le rappeur intellectuel qui essaye de mélanger les cultures un petit peu, qui se rapproche de Wax Taylor qui a un petit peu le même projet. Et à côté de ça, Bancal qui est un petit peu, comment dire, le hipster qui sait bien manier les platines avec la casquette à l'envers et tout ça, et qui se rapproche plus du système C2C. En tout cas, Miscellaneous a eu une carrière avant puisqu'il a été la voix de Fumuge et de Rhythmetics. Il a collaboré notamment avec Dr. Flake et Métastase. Alors justement, Fumuge en Lorraine, on connaît assez bien puisqu'on a eu l'occasion de les voir tourner notamment par exemple au JDM, Malik. Exactement, c'est ça où moi j'avais eu l'occasion de les voir en salle en fait. Et en salle, en fait, si tu veux, ils installent des espèces de grandes tours gonflables, des ballons gonflables. La finalité de cette chose, c'est qu'on puisse poser nos mains dessus et ressentir la musique. Parce qu'il faut savoir. Grâce aux vibrations. Exactement. Il faut savoir qu'ils sont très très basés sur l'accessibilité de leurs concerts, notamment pour les malentendants et les sourds. Et du coup, il me semble même qu'il y a une chanteuse en Fumuge qui est elle-même sourde. Donc du coup, ils essayent de faire passer les émotions par aussi les vibrations que tu peux ressentir. Et ça, c'est un super beau concept hein, quand même. Bah, en tout cas, ça montre bien surtout qu'un groupe se construit au fil du temps. Ils se sont rencontrés, ils ont eu des expériences avant et ils fabriquent un projet ensemble qui montre qu'ils viennent d'influences différentes et qui fait la beauté et la complexité du groupe Chill Bump, et ce qui fait que c'est très intéressant. Alors justement, j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu la dernière production de Chill Bump. Ça s'appelle Get the Job Done et on s'écoute ça tout de suite. Chillin' in lab number 8, happy to create. We scavenge through crates for tracks to mutilate. Hack a tune, tap a beat that we duplicate. Play some keys, boost the bass, add a groovy break. Have a cool debate, kick back, communicate. Grab the pen, the pad, do sick raps, exuberate. Accumulate, stack, enumerate tracks. Quality over quantity that you can play back. Fans be fiending for music ASAP. We be fiending to play wherever you be based at. Psyched up, psyched up to see you motherfuckers hyped up. Yo, Mika, turn this mic up. Cause we been trapped in the lab, getting no sun. Banging on pads, two fingers go numb. Been rapping on tracks and bit my own tongue. But don't worry, son, I get the job done. If the rain is pouring, I get the job done. If I'm drunk and falling, I get the job done. In the early morning, I get the job done. We'll keep on touring, stage keeps calling. If the rain is pouring, I get the job done. If I'm drunk and falling, I get the job done. In the early morning, I get the job done. We'll keep on touring, stage keeps calling. Stuffing teas in the case, we leaving for 3 days. We'll eat junk, get drunk, speed on the freeway. Sleep change positions on a seat when our feet ache. Scream, wait, I need to take a leak for Pete's sake. We keep driving, driving, life is just a waste. We arrive the venues late and set up like we get a race. I checked off mic, then I exit the stage. I am in a strange state, I'm like a lion in a cage. Sipping liquor in the quiet and calm. Puffing cigarettes until it's time to perform. Until they shut the lights and it's on. And if the life is the bomb, we're party partying until 5 a.m. If the rain is pouring, I get the job done. If I'm drunk and falling, I get the job done. The early morning, I get the job done. We'll keep on touring, stage keeps calling. If the rain is pouring, I get the job done. If I'm drunk and falling, I get the job done. The early morning, I get the job done. We'll keep on touring, stage keeps calling. You can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on the one. doing what you love. Bonjour, who thought that we would be from Tours? If become of the MC with seemingly unsure. I was a punk, y'all, dream it was done for. But never thought we would be on tour, performing for people that want more. Screaming an encore, fiending a fuck, beating the freaks at my front door. It's fucking wild, but I love it every day. We made our mothers proud just by having fun and getting paid. My homie Jean told me, love what you do, but I know he right. Can't become a rapper overnight, flow I'm right. Go to open mics, learn to control the fright. Don't let no one out there on your life. One day you might hop in the van, travel all day, dash through traffic, get trapped in parkways. Get the baby fans and parlay, and chill at the poverty after party. You wanna hop on a plane, dash a long way, sit above the clouds and travel all day. We can't wait to play, we fans and parlay. Hope half of y'all stay for the after party. Wanna hop on a plane, on a sit above the clouds, on La belle découverte, 18h, 18h30. Alors, pour pouvoir décrire un style musical comme le leur, si ce n'est s'attarder sur le chant qui est vraiment, vraiment super bien exploité parce que c'est propre, c'est dans les temps, c'est entraînant, c'est donc ça qu'on appelle le flow en fait. C'est différent en fait, si tu veux, il a un flow qui se rapproche beaucoup plus des flows américains. Ouais, exactement. Etc. Et ça s'entend aussi musicalement, on entend les beats, bah vraiment ce qui marque les temps, les grosses caisses en fait qui sont très très marquées. C'est vrai que c'est très rythmé également, c'est très rythmé. Il y a l'utilisation de plusieurs instruments virtuels aussi au sein de la composition. C'est marrant parce qu'on a reçu justement un autre CD qu'on va en parler la semaine prochaine de Maniacs. Ouais. Et c'est vrai que la différence entre ces deux groupes, même si dans l'essence ça peut se ressembler, c'est que Maniacs va utiliser plus d'instruments réels. Par contre là-dessus, là où on peut s'attarder, c'est que sur Chill Bump, il y a vraiment une utilisation du flow. Les textes, bon... comme ils sont en anglais et en même temps c'est à l'honneur du chanteur puisqu'il est anglais à la base, on a un peu de mal à s'attarder dessus, mais tout est toujours calé, tout est toujours propre pour te donner une impulsion qui te donne envie d'être en face d'eux en concert. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très travaillé, c'est voilà, au niveau de la production, il n'y a vraiment rien à dire. Les types ont très bien bossé en amont du studio et pendant le studio. Il y a le groove, il y a le flow qui se passe et du coup ça donne vraiment une musique sur laquelle, même si on n'est pas vraiment aficionado du style à la base, on va quand même avoir les épaules qui bougent, un peu le pop. Hey yo, we came to rock the venue. Then to swallow several shots of Jaeger, followed by 20 vodka Red Bulls. My liver's probably yellow. Watch my body tremble like a pot of jello. We party hard 'cause we the one to settle. Holla dog if you got pop to pedo. All the skets know that my squad's got the arrow. All the shorties call me Bello. Y'all steaming like a warming kettle. You're naughty, hot and horny, you're the devil. Your bitch grabs my bone, I'm like hottie hello. She tracks me back to a doggy kennel. They call me Donatello. Underground, you got the memo. I'm always below zero, you can't get on my level. I'm what you call a rebel. Do not resemble all you little twats popping metal. What the hell, your problem, mo? You ain't hard to get no hell. No, hardly fellow. Your heart is frail, yo, and softer than marshmallow. Don't diss me, perform a show, record a demo. Don't bite me, I'll chop your head before you let go. Wake the fuck up, kid. Sip a strong espresso, 'cause I'm building a future while you're tripping off your Lego. Let's go, let's go. 'Cause I'm building a future while you're tripping off your Lego. Let's go, let's go. 'Cause I'm building a future while you're tripping. We came to raise the roof up. Make your boost up, the bass and rape your hoof. I've got abused, fucking play button and play some Buddha. Get brutally wasted, awake the rooster. Rooster, face the truth, cuz we're your favorite group, cuz we smash more spots than at the lesser face for Rukas. Fake producers, our labels make snake maneuvers. Strange Medusa faces to seduce us, the game is useless. We stay killing crowds like crazy shooters. We show the youth love, cuz they salute us. Entertaining fools like Sammy Davis Jr. Haters who us, lame losers, slip us the and break computers. Until my play removes their fingers like the great Yakuza's. I take the grills and make them FUBA. Call me trait remover, hang a tube and crap us upside down like the traitor Judah. Let's go, let's go. Cause I'm building a future while you're tripping off your Lego. Let's go, let's go. Cause I'm building a future while you're tripping. Miscellaneous Bandcamp on the instrumental. Chill bomb, you get the memo. La belle découverte, 18h-18h30. Quelle est l'origine de votre nom de groupe Chill Bump? Alors, l'origine du nom Chill Bump. Alors, Chill Bump, ça veut dire chair de poule. On est arrivé là, à ce nom-là, après maintes et maintes recherches. Et c'est un nom qui nous plaisait bien. Surtout parce qu'il y a vraiment un sens individuel à chaque mot, et c'est des mots qui reviennent dans le jargon du hip-hop. Donc chill, chiller, c'est se relaxer, être tranquille, et bumper, c'est mettre du son très fort, par exemple dans sa voiture. Voilà, après bump, c'est aussi une dose de quelque chose, a priori plus une dose de drogue, et chill, c'est aussi la fraîcheur, donc on peut dire que c'est un peu une dose de fraîcheur. Bon, voilà, il y a plein de noms comme ça, plein de sens qui nous ont plu. Voilà. Depuis combien de temps vous avez créé le groupe? Alors, on a créé le groupe Chill Bump depuis fin 2011 officiellement, et on a sorti un premier clip qui s'appelait Lost in the Sound, et c'est le début du groupe, fin 2011. Alors, on s'est rencontrés il y a longtemps à Amboise. En fait, Miscellaneous, c'était le cousin, enfin c'est toujours le cousin de mon meilleur pote de collège, en fait. Et voilà, on a commencé à faire du rap et du basket ensemble, donc on se connaît depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rapper en anglais plutôt que d'avoir choisi le français? Alors moi je rappe en anglais parce que je suis anglais à la base, je suis arrivé en France à 13 ans. En arrivant justement, on a commencé à faire du rap ensemble, avec mon cousin notamment et d'autres personnes, et en français. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que ça sonnait trop anglais justement dans ma façon de caler des mots et de les prononcer. Aujourd'hui je pense que ça aurait tout à fait sa place quand j'écoute des groupes comme un 995 comment ils rappent, mais il y a 10 ans c'était une autre histoire, et puis je me suis dit fuck it. Si vous deviez sortir comme ça deux, trois noms d'influence musicale, ce serait quoi? Florent Pagny. Etienne Dao. Je déteste Etienne Dao. KRS-One, Big L, Big Pun, Nas pour ma part, Wu-Tang. Toi, tu dirais DJ Shadow, il y a Snoop Dogg aussi dans le lot, les vieux Snoop Dogg. Alors, vous avez interprété une chanson que vous avez appelée My Mother is a Porn Star. Pourquoi déjà, c'est la mère de qui? Et pourquoi est-ce que vous avez écrit cette chanson-là? Ouais, voilà, donc justement, ma mère est une porn, n'est pas une porn star, mais le morceau, on trouvait ça rigolo, dans le sens où ça a pas été traité et que les rappeurs ont souvent tendance à dire que toutes les femmes c'est des putes sauf leur mère et leur sœur, et en exagérant le cliché, mais Ok, et vous, du coup, c'est pas votre style, d'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ces petits mots, pour l'interview. Bonne continuation, en tout cas, à Chill Bump. Bah merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir, et il y a toujours une petite poignée de gens qui nous connaissent un peu à droite à gauche où on va, et ça fait plaisir de se sentir soutenu et écouté, voilà. Serve as I serve my brew, I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Perch tie word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Jokes try hurt my mood, but my sky pure bright blue. No risk taking, I tell my demons they are mistaken. I lift weights, eat less bacon. I run with the sun just waking. Jumping ropes and my legs aching. Bathing when the heat get baking. Hiking when I need escaping. Stopping when the sight breathtaking. Cool, no cynical vision when I'm by the swimming pool. Sitting with a friend or two, sipping booze with them, chatting, chilling, skinny dipping with a few women. Just a simple musician getting lured when I'm in the booth. Spitting singing tunes, ripping new rhythms, scribbling cool shit to the syllables. Fitting this shy shot of Remy got me merry. Followed by a shot of Henny while I'm voluntary. Solitary hand on my belly, bumping my cavelli, bopping by the Jimmy. Then I get a cute message on my celly. Who's this? That hottie Betty, pretty stunning, something like Holly Berry. Hurry up, honey bunny, come and get me, cause I got another bottle with me. Better bring your bare body quickly, bottoms up. We can swallow plenty, we ain't gotta stop. Till the second bottle empty, then she unzips my fire. Till I twitch and whine with desire. Wired up by her shit is fire. Sizzling like a kitchen fire. Finna make it flying bitch sing higher than the very high bitch Mariah. Higher than the little children's choir. Busting the grill with your prior. Feeling like sheen, living my dreams. Sharing my life with the right queen. Tearing my mice, getting my green. Feeling mad like, get what I mean. Sky blue, the sun glistening. I hear morning birds whistling. Yesterday I weren't listening, but now I feel different. I've been down in the alley with darkness around me, where everything's cloudy and gray, but not today. Belle découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans la belle découverte jusqu'à 18h30 ensemble. Voilà, on vient d'écouter ce morceau de Chill Bump. On a réussi à déceler quelques petites inspirations, notamment celle de Brassens par rapport à la descente. Alors Brassens, c'est quand même une référence très très poussée que tu poses là. Mais c'est vrai que au-delà de l'aspect rap, hip-hop, qui peut y avoir, il y a une réelle recherche musicale derrière. C'est pas juste, on va mettre des sons bout à bout, on va regarder si ça sonne ou pas. C'est, il y a un processus de composition, de réalisation avant, très réfléchi, très recherché. D'ailleurs, hein. Ils ont un gimmick qui est assez rare quand même de manière générale dans le hip-hop, mais qui fonctionne toujours à chaque fois. C'est la petite mélodie qui dure quoi, 2, 3, 4 temps grand max, et qui est sifflée, tu vois, le... Tu vois, ce genre de truc là qui va t'accompagner derrière. Est-ce que tu peux le refaire hein, c'est... Non, parce qu'en plus j'étais faux et c'est horrible. Je suis assez étonné de ce que tu dis, puisque justement ce sifflement ou alors cette gamme qui descend pour annoncer un petit peu le refrain du morceau, ça me paraît quelque chose d'être. Ça me paraît être assez classique fondamentalement. Là, le choix de le faire siffler, c'est pas un choix qui est idiot. Ça ramène encore plus ce côté relativement swing. Et il suffit que ce soit simple pour qu'en fait ça nous imprègne véritablement et que ça nous fasse rentrer dans la chanson et dans le flow quoi. Je te mets le pari d'écouter cette chanson demain matin et on va manger ensemble à midi demain et tu vas me le siffler. Tu vas forcément l'avoir sûr, en tête je pense. C'est sûr que je l'aurai. Et c'est ça qui fait aussi la réussite du groupe. I was only 10, it was a normal weekend, just a Saturday, towards the evening. I'm sure if I spent my time driving or reading, I recall my mom's in the corridor cleaning. Dad and sister just got back from the food shop with a few bags full of fruit, a pan and a new wok. They were laughing as my dad took his shoes off, then boom, daddy collapsed, quit acting a fool, pop. Why is he not moving? Why is he stopped? What is he doing? Come on, pop, you got to get up. My mom's rolled it. Over. Dad was foaming at the mouth. My sister phoned the ambulance as I ran about the house. I gave a yell, filled with rage and pain as well. My fingers were aching from ringing on my neighbor's bell. No one came when I called or prayed for help. That's why I hate God, hate my neighbors, hate myself, hate the ambulance and the lousy fools inside. How can you revive a human life if you take 2 hours to arrive? February 95, I recollect the very first fucking time that I met with death. I was very deep in love with a queen, a fiend. I wanted to stay stuck in a dream. We'd make love on repeat, spend our days under the sheet. Never leave the bed unless we'd make something to eat. Sweet, not a single fight. It all seemed alright until our first evening beef occurred and made us feel uptight. We screamed, cried, didn't sleep all night. Next morning, shorty was coughing the blood and bleeding from her mosquito bites. hurry. We made our way to the dock. We made her take a blood test. The results gave him a shock. Go straight to the hospital. We gazed at the clock. Only they can save her. Now I say what she got. Off we went to the oncology section, trying to focus. Her arm had swollen so bad the sight was atrocious. When we got the diagnosis, we both cried the notion. I found it hard to hide my emotion. I told her trust my devotion to fight for your life's emotion. We're both frightened but with hope. I know that we can find a potion. If we're strong, our love will last long. Every day I put plastic gloves and masks on. Her room was a prison. Body sickened by food in addition to the chemo transfusion. Ton of tubes in the system. I witnessed her shriveling and lose her hair. Get too weak to speak and use her legs and 2 feet. She had to use a chair. She left the room to fear and never gave in to despair. Today this crazy episode feels like an angel souvenir. We made it through the years, smelling roses every day. We'll never know when death will be back to take our breath away. Breath away. Alcoholic who at the bar to scoop up y'all abuser. Go through the Kama Sutra. Kama's a puta, the coolest Kama's cougar. Who can see through every one of your smart maneuvers. She can read the cars that you've got. Have you tossed from a moving car or rooftop? Pray to Jesus, Allah, Buddha. May God give you luck. Death is round the corner, riddling hard to screw up. All turn to dust. Yet some of these fools trust. Deliver till 100 with a wonderful future. I've watched youngins go. Some didn't do much. One kid got his skull crushed under a school bus. It's not fair. That's what they said, but death don't care. 1 minute you're here, next you're in. I pray I play this at my funeral. It's kinda suitable. Take off your ties and suits. Spare me your goodbyes until the lose. Time is moving. It's time to remind a few of you. You next in line. Quit treating life like a Rubik's Cube and let me die. Enjoy the sunshine, you stupid fools. I envy y'all. Remember your life is beautiful. Beautiful. La belle découverte, 18h-18h30. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'album Ego Trip qui vient de sortir, hein, c'est sorti officiel le 4 novembre. Du coup, Chill Bump a sorti cet album-là sur le label MPC Prod. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les informations. Puisqu'effectivement, c'est tout de suite la fin de cette émission. On va laisser la place à Aurélie de Sous Toutes les Cultures. Ensuite, il y aura Romain pour l'émission Archiphonique. Et moi, je vous retrouve dans le menu étudiant à 19h30. Pour ceux qui ont aimé l'émission, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Label Découverte. Label comme un label indépendant et découverte comme les découvertes. Et puis, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera rediffusée le 3 décembre. Et puis, vous pouvez aller réécouter quand vous le décidez sur internet www.fadjet.net, le podcast de cette émission. Très bonne soirée sur Fadjet.